Livre quatrième. Du merveilleux ou de la poésie dans ses rapports avec les êtres surnaturels. Chapitre premier. Que la mythologie rapetissait la nature, que les anciens n'avaient point de poésie proprement dite descriptive. Nous avons fait voir dans les livres précédents que le christianisme, en se mêlant aux affections de l'âme, a multiplié les ressorts dramatiques. Encore une fois, le polythéisme ne s'occupait point des vices et des vertus. Il était totalement séparé de la morale. Or, voilà un côté immense que la religion chrétienne embrasse de plus que l'idolâtrie. Voyons si dans ce qu'on appelle le merveilleux, elle ne le dispute point en beauté à la mythologie même. Nous ne nous dissimulons pas que nous avons à combattre ici un des plus anciens préjugés de l'école. Les autorités sont contre nous et l'on peut nous citer 20 vers de l'art poétique qui nous condamnent. Et quel objet enfin à présenter aux yeux, etc. C'est donc bien vainement que nos auteurs déçus, etc. Quoi qu'il en soit, il n'est pas impossible de soutenir que la mythologie si vantée, loin d'embellir la nature, en détruit les véritables charmes. Et nous croyons que plusieurs littérateurs distingués sont à présent de cet avis. Le plus grand et le premier vice de la mythologie était d'abord de rapetisser la nature et d'en bannir la vérité. Une preuve incontestable de ce fait, c'est que la poésie que nous appelons descriptive a été inconnue de l'Antiquité. Les poètes même qui ont chanté la nature, comme Hésiode, Théocrite et Virgile, n'en ont point fait de description dans le sens que nous attachons à ce mot. Ils nous ont sans doute laissé d'admirables peintures des travaux, des mœurs et du bonheur de la vie rustique. Mais quant à ces tableaux des campagnes, des saisons, des accidents du ciel, qui ont enrichi la muse moderne, on en trouve à peine quelques traits dans leurs écrits. Il est vrai que ce peu de traits est excellent comme le reste de leurs ouvrages. Quand Homère a décrit la grotte du Cyclope, il ne l'a pas tapissée de lilas et de roses. Il y a planté, comme Théocrite, des lauriers et de longs pins. Dans les jardins d'Alcinoüs, il fait couler des fontaines et fleurir des arbres utiles. Il parle ailleurs de la colline battue des vents et couverte de figuiers. Il représente la fumée des palais de Circé s'élevant au-dessus d'une forêt de chênes. Virgile a mis la même vérité dans ses peintures. Il donne au pin l'épithète d'harmonieux, parce qu'en effet, le pin a une sorte de doux gémissement quand il est faiblement agité. Les nuages, dans les géorgiques, sont comparés à des flocons de laine roulés par les vents. Et les hirondelles, dans l'Énéide, gazouillent sous le chaume du roi Évandre ou rasent les portiques des palais. Horace, Tibulle, Properce, Ovide ont aussi crayonné quelques vues de la nature. Mais ce n'est jamais qu'un ombrage favorisé de Morphée. Un vallon où Cythérée doit descendre, une fontaine où Bacchus repose dans le sein des naïades. L'âge philosophique de l'Antiquité ne changera rien à cette manière. L'Olympe, auquel on ne croyait plus, se réfugia chez les poètes, qui protégèrent à leur tour les dieux qui les avaient protégés. Stas et Silius Italicus n'ont pas été plus loin qu'Homère et Virgile en poésie descriptive. Lucain seul avait fait quelques progrès dans cette carrière, et l'on trouve dans la Pharsale la peinture d'une forêt et d'un désert qui rappellent les couleurs modernes. Enfin, les naturalistes furent aussi sobres que les poètes et suivirent à peu près la même progression. Ainsi, Pline et Columelle, qui vinrent les derniers, se sont plus attachés à décrire la nature qu'Aristote. Parmi les historiens et les philosophes, Xénophon, Tacite, Plutarque, Platon et Pline le Jeune se font remarquer par quelques beaux tableaux. On ne peut guère supposer que des hommes aussi sensibles que les anciens eussent manqué Dieu pour voir la nature et de talent pour la peindre si quelque cause puissante ne les avait aveuglés. Or, cette cause était la mythologie, qui, peuplant l'univers d'élégants fantômes, ôtait à la création sa gravité, sa grandeur et sa solitude. Il a fallu que le christianisme vînt chasser ce peuple de faunes, de satyres et de nymphes pour rendre aux grottes leur silence et aux bois leur rêverie. les déserts ont pris sous notre culte un caractère plus triste, plus grave, plus sublime. Le dôme des forêts s'est exhaussé, les fleuves ont brisé leurs petites urnes pour ne plus verser que les eaux de l'abîme du sommet des montagnes. Le vrai Dieu, en rentrant dans ses œuvres, a donné son immensité à la nature. Le spectacle de l'univers ne pouvait faire sentir aux Grecs et aux Romains les émotions qu'ils portent à notre âme. Au lieu de ce soleil couchant dont le rayon allongé tantôt illumine une forêt, tantôt forme une tangente d'or sur l'arc roulant des mers, au lieu de ces accidents de lumière qui nous retracent chaque matin le miracle de la création, les anciens ne voyaient partout qu'une uniforme machine d'opéra. Si le poète s'égarait dans les vallées du Tégète, au bord du Spercus, sur le Ménal aimé d'Orphée, ou dans les campagnes d'Elor, malgré la douceur de ses dénominations, il ne rencontrait que des faunes, il n'entendait que des dryades. Priape était là sur un tronc d'olivier, et Vertumne, avec les zéphyrs, menait des danses éternelles. Des sylvains et des naïades peuvent frapper agréablement l'imagination, pourvu qu'ils ne soient pas sans cesse reproduits. Nous ne voulons point chasser les tritons de l'empire des eaux, ôter à Pan sa flûte, au parc leur ciseau. Mais enfin, qu'est-ce que tout cela laisse au fond de l'âme? Qu'en résulte-t-il pour le cœur? Quel fruit peut en tirer la pensée? Oh, que le poète chrétien est plus favorisé dans la solitude où Dieu se promène avec lui! Libre de ce troupeau de dieux ridicules qui les bornait de toutes parts, les bois se sont remplis d'une divinité immense. Le don de prophétie et de sagesse, le mystère et la religion semblent résider éternellement dans leur profondeur sacrée. Pénétrez dans ces forêts américaines aussi vieilles que le monde. Quel profond silence dans ces retraites quand les vents reposent. Quelles voix inconnues quand les vents viennent à s'élever. Êtes-vous immobile? Tout est muet. Faites-vous un pas. Tout soupire. La nuit s'approche, les ombres s'épaississent. On entend des troupeaux de bêtes sauvages passer dans les ténèbres. La terre murmure sous vos pas. Quelques coups de foudre font mugir les déserts. La forêt s'agite, les arbres tombent. Un fleuve inconnu coule devant vous. La lune sort enfin de l'Orient. À mesure que vous passez au pied des arbres, elle semble errer devant vous dans leurs cimes et suivre tristement vos yeux. Le voyageur s'assied sur le tronc d'un chêne pour attendre le jour. Il regarde tour à tour l'astre des nuits, les ténèbres, le fleuve. Il se sent inquiet, agité et, dans l'attente de quelque chose d'inconnu, un plaisir inouï, une crainte extraordinaire font palpiter son sein, comme s'il allait être admis à quelque secret de la divinité. Il est seul au fond des forêts, mais l'esprit de l'homme remplit aisément les espaces de la nature, et toutes les solitudes de la terre sont moins vastes qu'une seule pensée de son cœur. Oui, quand l'homme renierait la divinité, l'être pensant, sans cortège et sans spectateur, serait encore plus auguste au milieu des mondes solitaires que s'il y paraissait environné de petites déités de la fable. Le désert vide aurait encore quelque convenance avec l'étendue de ses idées, la tristesse de ses passions et le dégoût même d'une vie sans illusion et sans espérance. Il y a dans l'homme un instinct qui le met en rapport avec les scènes de la nature. Et qui n'a passé des heures entières assis sur le rivage d'un fleuve, à voir s'écouler les ondes? Qui ne sait plus, au bord de la mer, à regarder blanchir l'écueil éloigné? Il faut plaindre les anciens qui n'avaient trouvé dans l'océan que le palais de Neptune et la grotte de Protée. Il était dur de ne voir que les aventures des Tritons et des Néréides dans cette immensité des mers, qui semble nous donner une mesure confuse de la grandeur de notre âme, dans cette immensité qui fait naître en nous un vague désir de quitter la vie pour embrasser la nature et nous confondre avec son auteur. Chapitre 2 de l'allégorie. Mais quoi, dira-t-on, ne trouvez-vous rien de beau dans les allégories antiques? Il faut faire une distinction. L'allégorie morale, comme celle des prières dans Homère, est belle en tout temps, en tout pays, en toute religion. Le christianisme ne l'a pas bannie. Nous pouvons, autant qu'il nous plaira, placer au pied du trône du souverain arbitre les deux tonneaux du bien et du mal. Nous aurons même cet avantage que notre Dieu n'agira pas injustement et au hasard comme Jupiter. Il répandra les flots de la douleur sur la tête des mortels, non par caprice, mais pour une fin à lui seul connue. Nous savons que notre bonheur ici-bas est coordonné à un bonheur général dans une chaîne d'êtres et de mondes qui se dérobent à notre vue. Que l'homme, en harmonie avec les globes, marche d'un pas égal avec eux à l'accomplissement d'une révolution que Dieu cache dans son éternité. Mais si l'allégorie morale est toujours existante pour nous, il n'en est pas ainsi de l'allégorie physique. Que Junon soit l'air, que Jupiter soit l'éther, et qu'ainsi, frères et sœurs, ils soient encore époux et épouses, où est le charme de cette personnification? Il y a plus. Cette sorte d'allégorie est contre les principes du goût, et même de la saine logique. On ne doit jamais personnifier qu'une qualité ou qu'une affection d'un être, et non pas cet être lui-même. Autrement, ce n'est plus une véritable personnification, c'est seulement avoir fait changer de nom à l'objet. Je peux faire prendre la parole à une pierre, mais que gagnerais-je à appeler cette pierre d'un nom allégorique? Or, l'âme, dont la nature est la vie, a essentiellement la faculté de produire. De sorte qu'un de ses vices, une de ses vertus, peuvent être considérées ou comme son fils ou comme sa fille, puisqu'elle les a véritablement engendrées. Cette passion, active comme sa mère, peut à son tour croître, se développer, prendre des traits, devenir un être distinct. Mais l'objet physique, être passif de son essence, qui n'est susceptible ni de plaisir ni de douleur, qui n'a que des accidents et point de passion, et des accidents aussi morts que lui-même, ne présente rien qu'on puisse animer. Sera-ce la dureté du caillou ou la sève du chêne dont vous ferez un être allégorique? Remarquez même que l'esprit est moins choqué de la création des dryades, des naïades, des zéphyrs, des échos, que de celle des nymphes attachées à des objets muets et immobiles. C'est qu'il y a dans les arbres, dans l'eau et dans l'air, un mouvement et un bruit qui rappellent l'idée de la vie, et qui peuvent, par conséquent, fournir une allégorie, comme le mouvement de l'âme. Mais, au reste, cette sorte de petite allégorie matérielle, quoiqu'un peu moins mauvaise que la grande allégorie physique, est toujours d'un genre médiocre, froid et incomplet. Elle ressemble tout au plus aux fées des Arabes et aux génies des Orientaux. Quant à ces dieux vagues que les anciens plaçaient dans les bois déserts et sur les sites agrestes, ils étaient d'un bel effet, sans doute, mais ils ne tenaient plus au système mythologique. L'esprit humain retombait ici dans la religion naturelle. Ce que le voyageur tremblant adorait en passant dans ses solitudes était quelque chose d'ignoré, quelque chose dont il ne savait point le nom et qu'il appelait la divinité du lieu. Quelquefois, il lui donnait le nom de Pan, et Pan était le dieu universel. Ces grandes émotions qu'inspire la nature sauvage n'ont point cessé d'exister, et les bois conservent encore pour nous leur formidable divinité. Enfin, il est si vrai que l'allégorie physique, ou les dieux de la fable, détruisaient les charmes de la nature que les anciens n'ont point eu de vrais peintres de paysages, par la même raison qu'ils n'avaient point de poésie descriptive. Or, chez les autres peuples idolâtres qui ont ignoré le système mythologique, cette poésie a plus ou moins été connue. C'est ce que prouvent les poèmes sanscrits, les contes arabes, les Eddas, les chansons des nègres et des sauvages. Mais comme les nations infidèles ont toujours mêlé leur fausse religion et par conséquent leur mauvais goût à leurs ouvrages, ce n'est que sous le christianisme qu'on a su peindre la nature dans sa vérité.